Remarque numéro 6, chapitre 14, interférence. On va parler maintenant autour du milieu de propagation de la lumière. On a mis la lumière. On a fait un milieu de propagation. Un milieu de propagation, c'est la vitesse de propagation de la lumière. La lumière ne se propage pas avec la même vitesse dans tous les milieux, quelle que soit leur propriété. Là, dans le vide, la lumière se propage avec la célérité, c'est-à-dire la vitesse, 3 fois 108 mètres par seconde, 8 millions de mètres par seconde. C'est d'abord vide. C'est la plus grande vitesse. Lesquels agissent à la milieu transparent, manu vide, c'est-à-dire au masterin, à ouvert, au chimenon, fait une vitesse de propagation liée à elle. Quels agissent au masterin, ça donne l'eau. L'eau, la lumière se propage dans le vide, debout, le vide, à la main, à la vitesse dans l'eau. Donc, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est 4 tiers fois la vitesse de quoi dans l'eau. Il y a 4 sur 3 de quoi acteur, il y a 1 de quoi acteur, il y a 1 acteur de vide, astra. La vitesse dans le vide, la vitesse de la lumière dans le vide, est 4 tiers celle dans l'eau. Hegel 4 tiers, Hegel 4 tiers, et l'eau. معنى يعني إذا هو له دور فهمني كم بيان دو فوا لا فيتيس دو لا لوميير دون لي فيد اي بلو كروند كو سيل دون لو ميليو كونسيديري هل 4 تيير سموها انديس دو ميليو انديس دو ميليو هل انديس إذا هي عبارة عن رابور بين مين ومين بين سيليريتي دون لو فيد على سيليريتي دون لو ميليو كونسيديري سي لانديس دو ريفراكسيون دون ميليو دو بروباغاسيون. Exemple, quel milieu, en résumé, quel milieu de propagation est caractérisé par son indice? L'indice qui finalement le calcule, mais le calcul, le n égale c sur v. Mais où est-ce que l'indice à l min 1? Non, impossible. La vitesse de propagation dans le vide est akbar, la vitesse de propagation de quel milieu, غير le vide. Mais le n mustahil, tout ça là, ne coûte à l min 1. Il y a égal 1, c'est le milieu de propagation dans le vide, ou dans l'air, là, nous dans l'air ou dans le vide, à peu près. Akbar, non? C'est un mustahil, le n est là plus grand que l'unité. Akbar, non? C'est l'indice de propagation d'un milieu de propagation. Ok. Alors, la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est une radiation lumineuse qui se propage dans le vide. وعند الرياضيات هي نفسها الرياضيات se propage dans l'eau نفسها se propage dans l'eau هل longueur d'onde dans le vide هل longueur d'onde dans l'eau نفسها نحن قلنا نفسها شو يعني نفسها هي نفس fréquence مثلا إذا خدنا مثلا عندي radiation de fréquence 5 × 1014 هرتز هذه lumière لأن الرياضيات lumineuse محصورة على fréquence كبرتون comprise entre 4 × 1014 ou 3,75 حسب بعض 3,75 ديسونس 14 هرتز و 7,5 ديسونس 14 هرتز بين هالرقمين محصورة الفريكونس هون بيطلعوا بين الفيوليت والروج. طيب إذا جينا أخذنا فريكونس 5 × ديسونس 14 هرتز هل الفريكونس هيدي رادياسيون اللي عندها الفريكونس عم تنتشر وين سو بروباج دون لو فيد أو سو بروباج دون لو مرقت بالفيد ومرقت بالأو الفيتاس بتختلف. هل هذا بيؤدي لتغير بالفريكونس؟ لا، الفريكونس ما بتغير. الفريكونس كالكولور بتدلها نفسها. كشو بيغير؟ اللونجر دون. شنات اللونجر دون نحن ما بنقدر نقولها الا بالمليو. فريكونس لا. اذا قلت انا عندي رادياسيون لومينوز دي فريكونس 5 × 1014 هرتز، سا سوفي. بيكفي. لكن اذا قلت لونجر دون بدي اقول لا لونجر دون de la couleur de fréquence 5 × 1014 Hz, la longueur d'onde de cette couleur est égale à cada valeur nanomètre dans le vide, dans l'eau, des cônes longueur d'onde, valeurs différentes. Dans le verre, longueur d'onde, valeurs différentes. Ils aiment même pas chacun une longueur d'onde. Les aiment jusqu'au milieu de propagation. Hachima, du coup, n'est-ce pas la fréquence abadam. Femme à mot, il n'est pas la longueur d'onde. Ça qu'il y a un seul, il y a une date. Longueur d'onde dans le vide égale, مثلا, 700 nanomètres. Mais j'ai une date longueur d'onde dans le vide, la radiation, 700 nanomètres. J'ai oublié dans l'eau. Debout qu'on longueur d'onde dans l'eau. Choubarmé. La longueur d'onde de la radiation donnée dans l'eau, il y a une radiation dans le vide sur l'indice de l'eau. Ça suffit. J'ai oublié la longueur d'onde dans le verre. La radiation, j'ai la longueur d'onde dans le vide, bon, ça m'a l'indice du verre, et ainsi de suite. Et ça, résumé, la longueur d'onde d'une radiation dans un milieu donné est égale au rapport de la longueur d'onde de cette radiation dans le vide, l'IM Sami a adat un lambda 0, c'est-à-dire 0 onde dans le vide, yani, divisé par quoi? Par l'indice du milieu considéré. اختصار عن مين؟ عن الميليو دو بروباغاسيون من ناحية الانديس ومن ناحية اللونغور دون دو لراديسيون كي سو بروباج دون سو ميليو سي لا رومارك دونك نيميرو 6 دون لو شابيتر دانتيفيرونس